Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Plusieurs regards, évidemment, sur le 9e art cette semaine, mais à travers un peu le spectre du fanzine et différentes itérations aussi du fanzine. Pourquoi on profite de ce vendredi pour vous en parler? Ben, c'est que ce samedi et ce dimanche, donc 6 et 7 décembre, de 11h à 18h à la bibliothèque, dans le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste, il y a le Salon Nouveau Genre, 11e édition. Et c'est un peu une tradition qu'on a pris au fil des éditions du Salon, mais de profiter de cette excuse pour parler justement fanzine, pour parler publication indépendante, puisque vous avez là une belle occasion d'aller à la rencontre justement des créateurs, d'aller discuter, échanger avec eux et aussi découvrir de manière peut-être un peu plus aisée qu'à l'habitude, les éléments qui sont proposés. Et donc, cette semaine, deux regards qui seront portés sur deux styles et deux appropriations des publications indépendantes bien différents. En deuxième moitié, il y aura Marie Tourigny du Collectif Blanc. Ça, c'est un collectif de commissariats indépendants qui explore surtout l'univers du design, de l'illustration et qui organise des événements. C'est surtout du côté de Montréal, mais également de temps à autre vers Québec, puisque les deux fondatrices du collectif sont de la capitale. Et donc, on explore le design, l'illustration. Il y a un pont évidemment à faire avec nos appréhensions et nos intérêts vers le visuel. Et sinon, dans quelques instants, on va jaser avec Guillaume Proto-Beaulieu et Julien Dallaire-Charret de la publication du recueil du fanzine, appelez-le un peu, on le qualifiera tout à l'heure, Copinet Copineau. Ils en sont également à leur 7e année d'existence, 11e parution également au fil de ces années. Donc, c'est le temps. On est même un peu en retard pour vous en parler de ce côté. Alors, on se rattrapera tout à l'heure. Et sinon, en fin d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera de passage pour nous parler de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD, une rencontre qui est consacrée à l'univers de la Première Guerre mondiale, la boue et le sang. Ça nous donne déjà quelques appréhensions esthétiques autour de cet univers dont Michel nous entretiendra tout à l'heure. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Je vous rappelle également que les podcasts de manière générale sont disponibles sur lavieenbd.wordpress.com. Sinon, quelques nouvelles de l'univers de la bande dessinée, mais notamment dans le cadre du 12e rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, l'école EMI, donc de l'Université du Québec en Outaouais, donc le programme de formation en bande dessinée au niveau universitaire, a annoncé les finalistes du prix Marc-Olivier La Vertu 2014. Alors ça, c'est le prix qui est voté, qui est sélectionné par les étudiants, justement, du programme. Ils ont choisi donc trois titres pour cette année en finaliste. Alors, il s'agit de Jeff pour son album Broadway, une rue en Amérique, de Philippe Girard pour Love Apocalypse, et enfin, les chroniques du Centre-Sud de Richard Suicide. Donc, c'est tous les étudiants inscrits à un programme de BD qui ont été invités, qui seront invités à lire ces livres et feront la sélection. Et ensuite, le vote aura lieu en février. Ce sera annoncé dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais. Autre nouvelle, on reste dans les prix, on va du côté de la France. Le Grand Prix RTL de la bande dessinée 2014 a été attribué à L'Arabe du futur de Riyad Satouf, publié chez Alary Éditions. Un album qui narre le quotidien d'un enfant des années 80, fils d'une Bretonne et d'un Syrien qui grandit entre la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez al-Assad. Un album qui, et je cite le jury ici, est une des œuvres rares qui dépassent leur genre. Avec L'Arabe du futur, nous ne sommes plus seulement dans la bande dessinée, mais dans une œuvre majeure qui place son héros aux côtés des Gavroche, Tom Sawyer et Oliver Twist. Donc rien de moins. Rappelons également, on en a parlé la semaine dernière, que L'Arabe du futur fait partie de la sélection officielle du 42e Festival d'Angoulême. Et sinon, dernier petit clin d'œil, justement, puisqu'on parle d'Angoulême, on vous en avait parlé un peu au fil des éditions, au fil de l'automne. Disons, grosse réflexion du côté de la France quant à la rémunération des auteurs BD. Il y avait eu une première mobilisation qui avait été effectuée du côté du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. D'ailleurs, Thomas-Louis Côté nous en avait parlé il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver ça dans les podcasts, puisqu'on en profite pour se plugger. Eh bien, il y aura une autre action à Angoulême. C'est un peu évident, évidemment, compte tenu de l'importance de cet événement. On parle d'une manifestation qui aura lieu le 31 janvier. L'objectif étant de dénoncer la réforme de régime de retraite complémentaire obligatoire des auteurs et la, évidemment, paupérisation croissante de ceux-ci. Alors, reste à voir quelle sera la nature de la marche, comment ça va se passer. Et en fait, ce sera accompagné, cette marche des auteurs, par une affiche qui parodie celle signée Bill Watterson. Alors, essentiellement, en fait, vous avez peut-être vu, ou sinon, vous pouvez aller faire un tour sur les médias sociaux et le reste pour la voir. Donc, c'est essentiellement un strip BD. Eh bien, ils ont décidé de le modifier en gardant un peu le caractère, l'esprit de la BD, mais en vidant les cases, en disant, voilà ce que ce serait Angoulême sans auteur. Alors ben voilà pour ce petit tour d'horizon en musique cette semaine. On reste toujours dans la 8 bits et dans ses différentes itérations pour nous accompagner musicalement au fil de l'émission. Et cette semaine, c'est la formation Trash 80 tirée de l'étiquette Web 8-Bit People. Et on en écoute un premier extrait. Voilà, petit extrait de la formation Trash 80 avec leur album Hologram, toujours ici à la vie en BD. Et tel que mentionné, ben, on plonge maintenant dans l'univers de Copinet et Copineau, donc recueil collectif d'auteurs qui est actif depuis déjà plusieurs années à Québec. Vous avez peut-être déjà feuilleté, je l'espère, peut-être vu certaines de leurs expositions, événements et autres. Et nous, ben, on se met un peu en rattrapage, comme je le disais d'entrée de jeu, à l'occasion du Salon Nouveau Jean 6, puisque vous pourrez aussi aller à leur rencontre cette fin de semaine dans le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste entre 11h et 18h samedi et dimanche pour voir la dernière édition de leur fanzine dédiée aux jeux vidéo et pour voir aussi d'autres numéros qui sont toujours disponibles. Et pour nous présenter l'univers de Copinet Copineau, ben deux de ses fondateurs, Guillaume Proto-Beaulieu, bonjour. Bonjour. Julien Dallaire-Charret, bonjour. Salut. Alors, je disais, 7 ans que vous êtes actif avec ce fanzine-là, avec ce recueil-là, avec cette publication indépendante-là, c'est pas rien de faire durer de ce type de projet-là aussi longtemps. Là. C'est beaucoup d'amour puis de travail, je dirais. On a commencé, en fait, on était des amis du cégep, on était trois auteurs. Puis avec les années, là, on s'est agrandi. On est rendu à 6 aujourd'hui. On a tous des collaborateurs. Puis souvent, on se fait demander est-ce que c'est un collectif qu'on recrute des gens, mais c'est plus, je dirais, des amis talentueux. on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. Un peu recueil sur invitation. Tout à fait. Ouais. Oui. Puis c'est ça, Copinet Copineau, en fait, c'est à la base, c'est faire la bande dessinée un peu différemment. On a parti vraiment fanzine brochée, imprimée sur les copieurs du cégep tout croche. Puis c'était le fun de faire ça, mais là, les années passent, on a fini nos études, on est rendu pas mal tous des professionnels, soit dans le graphisme, illustration, des domaines connexes. Fait que là, on atteint un nouveau standard de qualité qu'on essaie de garder puis de continuer avec ça. Oui, donc d'une certaine façon, en fait, au fil des éditions, Copinet Copineau a grandi avec vous, a grandi avec votre maîtrise du médium, mais donc d'une certaine façon, sa progression représente votre progression. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, on a commencé le projet au cégep, comme Julien le disait, puis au début, c'était surtout un prétexte pour apprendre à faire de la bande dessinée, parce que c'est un langage avec lequel on a grandi, puis quand on était chez nos parents, c'était un médium qu'on aimait beaucoup. Donc c'est sûr que quand on compare les premiers numéros, puis où ce qu'on est rendu, maintenant, donc c'est quoi, c'est le 11e numéro qu'on est là, pour le ouais. 11e numéro, c'est sûr qu'il y a une progression là, dans les styles graphiques, puis comme Julien le mentionnait aussi, comme on vient tous de milieu des arts visuels, comme le design graphique ou l'illustration, on a une approche très graphique de la bande dessinée, donc de plus en plus, on a vraiment comme un style qui se précise, donc on est très fiers de ça, là. Une signature visuelle, on pourrait dire. Là. Oui, pour Copinet Copineau, autant que pour vous-même, évidemment. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, parce que là-dedans, en fait, ça reste un collectif, donc évidemment, c'est le genre d'ouvrage où il y a une panoplie de styles, il n'y a pas d'unité stylistique, au contraire, il faut que ça soit éclaté. Mais de plus en plus, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ben, tu sais, c'est sûr, on est dans l'auto-analyse, puis on cherche toujours à savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on sait pas, j'ai l'impression que même nous, des fois, on sait pas les raisons pour lesquelles on fait les histoires, puis pourquoi on parle des sujets desquels on parle. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a comme une synergie aussi qui s'installe entre les différents styles graphiques. graphiques des auteurs qui sont comme récurrents. Donc, de plus en plus, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une cohésion aussi à travers les différentes nouvelles graphiques qui se retrouvent dans le collectif. Oui, parce que dans le fond, au départ, donc, c'est un groupe de trois, et avec ça, avec des auteurs amis, donc essentiellement, ça reste un peu les mêmes auteurs, les mêmes créateurs qui gravitent autour de ce collectif-là. Oui, tout à fait. Puis des auteurs qui ont un peu les mêmes considérations, puis le même amour pour les mêmes sujets, les mêmes thèmes aussi. Je pourrais même pas te décrire c'est quoi les thèmes, parce que ça tourne beaucoup autour de l'absurde, du manque de sens. C'est ça le sujet, dans le fond, qui est récurrent dans Copinet Copino. C'est important pour nous, on travaille ensemble, on développe le livre ensemble. C'est pas juste, on a un délai, on a un titre. Puis souvent, le titre, ça a l'air d'être un thème, là, mais il est plus ou moins appliqué. Là, ça dépend des numéros. Ouais. C'est plus comme moins une saveur ou un concept, bien souvent. Mais après ça, on essaie de se voir quasiment toutes les semaines. On se montre nos sketchs. Moi, j'ai pensé à telle histoire, blablabla. Puis ça nous aide beaucoup à se critiquer entre nous puis à améliorer le projet avec ça. Puis c'est super important là, que tout le monde... Parce que des fois, c'est arrivé dans les premiers numéros qu'on travaillait tout seul dans nos chambres en cachette. Puis on se le montrait, puis on l'imprimait, puis on savait pas ce que l'autre avait fait du tout. Là, on essaie que ça arrive plus. Puis je trouve que le projet gagne à collaborer comme ça. Puis c'est un peu l'idée du collectif aussi, c'est de se pousser l'un l'autre... pour se dépasser. Ouais, à défaut d'avoir une direction artistique ou quelqu'un qui est attitré qui dit bon, OK, je travaille l'unité, c'est vraiment plus collectif au sens propre. Dans le fond, une mise en commun, une autocritique, un apprentissage collectif. Oui, tout à fait. On pourrait dire ça, c'est vrai. Puis en même temps, à travers ça, ben il y a l'exploration du format, parce que je pense qu'au départ, vous n'étiez pas donné de cadre fixe. C'était vraiment, on essaye des trucs, on voit ce qui marche, ce qui colle. Puis j'ai l'impression que tranquillement, au fil des tombes, vous disiez au niveau stylistique, au niveau graphique, ça se précise, mais au niveau aussi du format, j'ai l'impression que vous avez précisé ça aussi au fil du numéro. Ouais, ben au début, dans le fond, j'ai l'impression qu'on cherchait un peu quel format qui était le meilleur. Puis au fur et à mesure que les publications avançaient, j'ai l'impression aussi que la structure éditoriale du projet se préciser un peu plus. Puis là, j'ai l'impression qu'on a comme trouvé notre format qui est pas mal final. Ça risque d'être le même format pour les années à suivre parce que c'est un format qui correspond assez bien à ce qu'on fait. Puis c'est à peu près comic book, mais plus format 8,5-11 à peu près. Là. Donc, parce qu'il y a des budgets d'impression aussi, des choses comme ça. Ils sont à considérer. Mais honnêtement, on se garde pas mal, là, j'avouerais. Là. On a rendu en couleur, puis on fait des... C'est vraiment plus ce qui nous plaisait. On voulait de quoi de pas trop gros, mais on essaie encore. Mais le format, c'est drôle que t'en parles parce que ça fait. On se casse la tête à chaque fois. Là, sur on garde-tu ce qu'on faisait, on change-tu. Ouais, c'est toujours, est-ce qu'on adapte le contenant au contenu? T'sais, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est. Comme on n'impose pas de. On veut vraiment que les auteurs puissent faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il n'y a pas de critique ou de censure, quoi que ce soit. Fait qu'on a comme adapté un peu le format à ce que les auteurs faisaient, puis tout ça. Puis c'était le format que tente les mains présentement. Là. C'est ça qui correspondait le mieux à ce qu'on faisait. Puis comme tu dis, en fait, ça reste de qualité. Je veux dire, comme impression, on est loin du fanzine papier, photocopié, broché. Là, on est rendu à quelque chose de qualité, on pourrait dire, de qualité presque professionnelle en termes de choix de montage, de choix de papier, du moins pour de l'édition indépendante. Je veux dire, on est pas dans le cartonné, mais quand même. Là. On est comme en deux eaux là-dedans. Là. Justement, on s'est rencontrés hier, puis ce qu'on disait, on regardait pour le futur de Copinet, puis on va peut-être peut-être faire plus des livres par auteur ou quelque chose comme ça, peut-être une espèce de semi-maison d'édition indépendante, puis en même temps, peut-être revenir plus à la formule fanzine pour ce qui est du collectif, parce qu'on peut pas tout faire en même temps, puis on aimerait ça comme se concentrer peut-être sur plus la qualité, justement, parce que le collectif, c'est vraiment trippant, puis on aime ça faire ça, mais des fois, c'est plus court, ou t'sais, on a des délais que tout le monde doit respecter en même temps, puis ça permet moins de développer autant ce qu'on voudrait, là. Puis j'ai l'impression que des travaux comme ça, des propositions comme ça, ça devient important aussi pour compléter un peu l'univers des publications au Québec, parce que j'ai l'impression qu'entre la publication web puis la publication album, il y avait quand même un certain vide. Il y a quelques années, en fait, il n'y avait pas des masses de publications indépendantes. Là, on dirait qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui décident de mettre un peu l'épaule à la roue puis de lancer des recueils, des collectifs, des revues qui sont quand même d'un niveau plus professionnel. Est-ce que vous vous inscrivez un peu là-dedans aussi, dans le fond, à travailler à remplir ce vide-là à votre façon, puis à vous développer aussi des vitrines? Oui, moi j'ai l'impression un peu, c'est ça, que la bande dessinée, en tout cas au Québec, c'est pas d'être meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, c'est comme une espèce de bien commun auquel, genre, c'est le fun de contribuer puis d'apporter sa plume. Puis moi je pense que cette offre-là, tu dis qu'il se diversifie, je pense que tu sais, c'est juste sain aussi. Mm-hmm. Puis nous, c'est un peu le... Tu sais, c'est comme... C'est du non-dit, là, mais je pense que c'est comme inconscient aussi, mais c'est comme le grain de sel qu'on veut apporter, genre, ouais, au patrimoine commun bédélistique. C'est beau. Et dans vos recueils, de votre côté, c'est toujours des histoires en one-shot. Il n'y a pas de ouais, trucs qui suivent d'un autre côté, donc c'est que des nouvelles. C'est super, exactement. Nouvelles, moi, je dis souvent ça au monde, c'est un recueil de nouvelles en bande dessinée pratiquement, parce que c'était bien important, surtout les premiers numéros, c'était des petits tirages, ça c'est dur de... On voulait pas tout de suite, on voulait... Tu prends le livre, t'es capable d'embarquer dans toutes les histoires tout de suite, il y a une fin, puis il y a rien... Tout est déjà compris en dedans, puis en même temps c'est un beau défi, parce que souvent, il y a certains auteurs qui aiment se retourner dans les mêmes thèmes ou les mêmes styles, puis c'est parfait, c'est au choix, mais comme moi je sais que j'aime bien expérimenter des choses, il y a un numéro, on a fait un photomontage, mettons, mm-hmm, ou des trucs comme ça... Puis ça permet à chaque fois d'essayer de se renouveler. Puis ça vient aussi avec le thème. Là. Justement, le dernier numéro, c'est Pogame volume 11. Puis lui, la gimmick qu'il y avait avec ça, c'est on a fait, mais Guillaume a fait pratiquement à 90% un jeu vidéo qui vient avec le livre. Puis c'est vraiment un vrai jeu d'ordi avec un disque et tout. Puis ça, c'était comme le gros clin d'œil. Puis à chaque numéro, on essaie d'avoir un concept comme ça. Là. On avait fait, à un moment donné, c'était les balles masquées au lancement. C'était comme thématique Saint-Valentin ou des choses. Le Romarlequin, oui, ouais, c'est ça. Exactement. Puis on s'amuse avec ça. Et ça se donne un défi, ça donne un cadre un peu sans nécessairement, comme vous disiez, sans orienter précisément les nouvelles qui sont à l'intérieur de l'album. Ça propose quand même un lien ou un point de départ pour l'imagination. Oui, c'est ça. Ça impose un peu comme un univers, mais sans trop l'imposer en même temps. Puis c'est le cadre créatif qui est parfait pour nous, là, dans le fond. Là. Et l'idée des thèmes comme ça, est-ce que c'est un peu... c'est le, collectivement, vous dites, hey, ça serait cool que... ou est-ce qu'il y a plus quelqu'un qui est dédié au thème, qui impose ça au reste du groupe? Ou? Souvent, la spontanéité est comme vraiment de mise. C'est vraiment, souvent, ça se décide comme en une soirée. Il y a quelqu'un, admettons, dans la gang qui dit quelque chose qu'on trouve drôle. c'est souvent, ça devient comme le thème ou la saveur du prochain numéro. Puis moi, j'ai l'impression que ça, on est comme tout du monde de région. Hein. Tu sais, je pense à Annie. Ben, semi de région, tu sais. On a beau pas ces régions, ouais, je trouve. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme, tu sais, dans nos thèmes, il y a quelque chose qui est très région, là, tu sais. On est comme à saveur très locale, tu sais, puis on aime ça jouer, tu sais, avec les combinaisons de mots, puis les... Je saurais même pas encore comment l'expliquer, mais tu sais, comme j'ai l'impression des fois on fait des jokes de piliers de taverne, puis c'est comme ça qui devient, genre, tu sais, le titre, genre, de notre numéro. Ouais, ouais, c'est souvent... Ben, c'est pas... comment... On a du plaisir à le faire, puis ça, je veux dire, ça paraît, puis c'est jamais très sérieux en général, le collectif, là. Même malgré que des fois il y a des histoires plus surtout des fois ça tombe en science-fiction un peu dark ou peu importe, mais il y a tout le temps au moins une histoire dans le lot que c'est un peu con là, ou des gags quand même là, puis ça dans toutes les sources c'est un peu absurde, puis régional québécois science-fiction. Se laisser aller, expérimenter, essayer, puis un peu comme avec le jeu vidéo, d'essayer des trucs que vous auriez pas essayé autrement. Parce que je pense, ça. En fait, Guillaume, Proto Beaulieu, tu t'es lancé, tu savais pas programmer avant de... Non, ben moi, c'est ça, dans le fond, à la base, je suis BD... mon métier, c'est je suis designer graphique, je suis graphiste, puis moi, j'ai toujours fait de la bande dessinée pour Copinet Copino, sauf dans le numéro que tu as entre les mains présentement, parce que, bon, on s'est dit, on va faire un jeu vidéo, puis on pensait que ça allait être quelque chose de vraiment comme plus simple qu'on pensait, puis finalement, ça risque d'être sûrement le dernier jeu vidéo que Copinet Copino va faire, parce qu'on s'est heurté genre à une panoplie d'obstacles pour faire ce projet-là. Mais c'est quelque chose qu'on est très fiers quand même de présenter, qui fonctionne bien, t'sais, qu'il n'y a pas de bug, qui se tient comme en soi comme projet aussi, t'sais. Fait que... Il y a des beaux clins d'œil à... Mais c'est, y avait l'idée aussi, jeu vidéo, bande dessinée, puis il y a beaucoup de... C'est des phylactères, puis c'est des dialogues, puis c'est vraiment comme monté comme une vraie... Moi, je dis, c'est comme... une nouvelle de plus du livre, mais qui est en format numérique, là, carrément. Puis, tu sais, ce qui est paradoxal un peu, c'est que moi, dans la gang, on est comme tout un peu geek, mais dans la gang, moi, je suis celui qui trippe le moins sur les jeux vidéo. Puis, Julien, tu sais, lui, a un background en jeux vidéo, il a travaillé pour Ubisoft, notamment, tout ça. Puis, moi, j'aimerais trouver ça le fun, la collaboration, parce que souvent, moi, je me lançais comme dans des idées qui étaient comme un peu trop grandes, ou qui étaient pas réalisables, ou qui se faisaient juste pas en jeux vidéo. Puis, moi, dans ma tête, ça fonctionnait au bout. Mais là, Julien, il me ramenait, il disait, ben là, Guillaume, tu peux pas vraiment faire ça dans un jeu vidéo, ça se fait pas. Là, j'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête. Mais t'as réussi à en passer des pas pires quand même. J'ai réussi à en passer des pas pires. Impressionnant. Mais des fois, quand on sait pas que ça se fait pas, ben finalement, on trouve un moyen de le faire. Là, c'est quand même je l'ai appris, c'est ça. Au prix de plusieurs nuits blanches, évidemment. Tout à fait. C'est un projet qui s'est échelonné sur une période de 1 an à peu près. On pensait que ça allait prendre entre 4 et 5 mois au début pour le faire. Mais toutes les petites affaires qu'on pensait qu'elles allaient être simples, ça s'est révélé être des problèmes. Donc, Mais on a appris au travers ça, ouais, je pense. Puis il y a un plaisir de l'hybridation, en disant, bon, OK, j'ai un univers que je fais en BD, j'ai mon univers graphique, puis finalement, de quelle manière je peux l'amener dans un autre médium, ouais, complètement, dans un autre langage. Parce que oui, il y a du visuel, mais reste que... C'est comme de dire que l'illustration, c'est la même chose que la BD. Non, c'est... Ouais, des langages, dans le fond. Mais nous autres, c'est souvent ça qu'on dit aussi avec Copinet Copineau, quand on s'explique un peu puis on essaye de justifier la raison d'existence du projet, c'est qu'on dit que Copinet Copineau, on aime ça, t'sais, comme expérimenter différents médiums pour diffuser de la bande dessinée. Puis je pense que ça s'inscrit parfaitement dans cette optique-là de concept jeu BD où ce qu'on décline. Parce que le jeu, en fait, c'est comme une bande dessinée déclinée en jeu vidéo carrément. Il y a des phylacteurs, puis la narration se fait de la même façon que dans une bande dessinée. Il y a comme une philosophie un peu d'entre-cases aussi entre les tableaux puis tout ça. Donc, moi, je trouvais que c'était comme le... À date, dans ce qu'on a fait, j'ai l'impression que c'est comme le projet qui est plus proche de la possible mission qu'on a, genre au sein de Copinet Copineau, tu sais. En attendant la maison d'édition, comme vous disiez. En attendant, tout à fait, c'est ça, ouais. puis, en parallèle aussi, ce qui est important de signaler, si les gens vont sur copinetcopineau.com, les vieux numéros, une fois qu'ils sont, qui ont été distribués, qui ont été... disons, épuisé, ben vous les rendez disponibles sur le web, donc on peut aller voir le numéro 1, 2, etc. en PDF. Tout à fait. Bien, on a une librairie en ligne, là, c'est sur Issue, je pense, c'est ça, on peut lire toutes les PDF, sont toutes disponibles, sauf, je pense, les derniers, justement, là. Souvent, c'est le numéro courant qu'on met pas, puis probablement que dans 2 ans, il va être rendu là-dessus aussi, là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus disponibles, même ceux qui sont disponibles, on dit aux gens, ben, allez voir ce qu'on fait, ben, puis ça fait une belle vitrine. Là. Parce que de toute façon, reste que t'as pas la même expérience de lecture que tu lises en livre ou sur issue, je veux dire, c'est pas... Puis on fait pas vraiment de webcomic non plus, fait que ça s'apprêtait mal, tu sais. Je trouve souvent ceux qui font de la bonne BD web, ils utilisent bien le format de page puis de déroulement, tout ça, tandis que nous, c'est vraiment en page pour des livres, que ça va mieux le lire en PDF là, puis flipper. Ouais, c'est toujours pensé pour l'impression, dans le fond, c'est, ouais. Ça, ouais, c'est ça. Puis j'imagine, en fait, que ça vient aussi, ben, en fait, au niveau d'impression, justement, le défi de réimprimer, etc., les tirages, puis en parallèle aussi avec la boutique en ligne et le reste, parce que en dehors d'événements comme le Salon Nouveau Genre, comme votre lancement, reste que ce type de publication-là, indépendante, qui n'est pas nécessairement distribuée à large, c'est pas évident à trouver. Non plus. Des points de distribution. Oui, il n'y en a pas des masses. J'imagine qu'on en avait quelques-uns, mais pas... Même présentement, on n'a aucun. Ouais. Mais ça, on va travailler là-dessus, là, avec le dernier surtout. Puis on va mettre la boutique en ligne en œuvre d'ici Noël aussi. C'est dans les plans. Là. On est en train de restructurer ça, là, tout ce qui est côté web, là, parce qu'on voulait se mettre plus présent là-dessus. Justement, au moins que ce soit disponible... On est conscient que c'est vraiment les événements, puis voir les gens, puis tranquillement on se fait connaître, mais au moins si on pouvait l'acheter en ligne quelque part, ça serait déjà ça de plus. Ouais. Mm-hmm. C'est toujours un peu le défi de la publication indépendante, là. C'est faut se bâtir, faut que ça devienne pratiquement un effort en soi de développer ce réseau-là. Puis on a toutes des, si vous avez des jobs en parallèle aussi, ouais, c'est à un moment donné. C'est un investissement, mais c'est le triple. Là, comme on est monté à l'exposine récemment, puis ben, souvent on dit à la blague, là, c'est pas on vend des BD, là, mais ça nous coûte pas mal plus cher juste monter puis aller au resto. Puis, Non, c'est clair. Ah, c'est... Mais c'est comme... C'est des tournées, là. On aime ça faire ça. Puis ça fait assez longtemps qu'on le fait pour l'apprécier. Et ben, en fait, je le rappelle, côté univers, là-dedans, les histoires, en fait, je le feuillette, ce 11e numéro-là, présentement, puis je pense au niveau graphique, juste au niveau visuel, c'est déjà très, très éclaté. Oui. Et vous gênez pas, justement, que ça soit assez varié, que chaque section ait un peu son identité, son ambiance. Mais c'est un peu, c'est un peu le trip aussi d'avoir plusieurs auteurs, puis je pense que... Puis nos auteurs sont vraiment très, très différents l'un de l'autre. Fait que ça aide à... C'est ça fait de quoi d'intéressant, là? On saute... C'est vraiment éclectique. Fantastique, absurde. Mais moi, je dis, tout le monde y trouve son compte, c'est sûr, là-dedans, là, dans le lot. Puis non, c'est ça. Les styles, ça ressemble vraiment pas d'un à l'autre. Autant que des fois, c'est vraiment plus graphique. D'autres fois, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a deux là-dedans. Il y a carrément pas de dialogue, là. C'est plus comme des BD d'ambiance, je dirais. D'autres, c'est vraiment... une nouvelle science-fiction, d'autres c'est plus une espèce de comédie absurde où ça va dans tous les sens. Et on invite les gens à le découvrir, justement, profiter de cette occasion. Donc, cette fin de semaine au Salon Nouveau Genre pour aller mettre la main là-dessus. Sinon, ben, on va faire un tour sur copinetcopineau.com. On voit les vieux numéros en attendant de pouvoir avoir la boutique en ligne tout pour acheter le nouveau. Puis même au Salon Nouveau Genre, je sais pas si on l'a mentionné plus tôt, mais on va avoir une station de jeu aussi pour que les gens puissent tester le jeu, faire un gameplay en live. Donc, avec une vieille télé, parce que c'est rétro. Avec une télé cathodique, avec des bons vieux glitchs de télé cathodique, donc ça va être amusant. Alors ben, on invite les gens donc à aller farfouiller et aller vous rencontrer ce week-end. Alors je rappelle donc Copinet et Copineau, Guillaume Proto-Beaulieu et Julien Dallaire-Charret, merci à vous deux. Merci beaucoup. Toi. Je redonne le site web copineau.com et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent vous rencontrer donc cette fin de semaine au Salon Nouveau Genre. On repart avec un petit extrait musical, toujours ici à La Vie en BD. Voilà, toujours à La Vie en BD. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Petit commentaire, tiens, autour de la BD. On va aller dans un tout autre style, tiens, que l'univers sonore qu'on est en train d'entendre. La Pastèque qui vient d'offrir une version francophone de la BD de Frank M. Young et David Lasky. The Carter Family, Don't Forget This Song. La famille Carter, Don't Forget This Song. On a quand même gardé le titre. Alors, famille Carter, évidemment, on le sait, qui est une des grandes familles musicales américaines, folk traditionnelles. Et le reste, on connaît aussi évidemment l'une de ses filles pour être la femme de Johnny Cash, etc. Et évidemment, ça reste un sujet quand même assez intéressant pour une bande dessinée tout de même assez volumineuse, il faut dire, et un sujet qui peut-être attirer une certaine curiosité, évidemment, parce qu'on se demande justement comment ils ont réussi à rendre une histoire aussi vaste dans le format BD. Est-ce que ça reste cohérent et le reste? Ben oui, en fait, de manière générale, donc un récit efficace, sympathique, c'est dessiné de manière traditionnelle, mais justement avec de toute façon la nature du récit, mais je pense que c'est très axé sur le scénario, sur l'histoire de ça, et où on y va un peu à travers justement l'anecdotique, évidemment, à travers les succès, les échecs, à travers, en fait, un langage, une approche quand même assez simple, assez efficace, un graphisme qui est simple et efficace aussi, au bout du compte, à travers ce qui est, au final, une belle histoire, une belle saga familiale. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on avait un beau sujet et on a réussi à le rendre de manière adéquate, parce que ça reste des faits alternatifs avec une histoire de cette ampleur-là. Donc, on a réussi à le rendre avec succès, avec intérêt. Et de ce côté-là, je pense que c'est assez réussi également. Alors, essentiellement, si on part des débuts très simples, donc de cette famille-là, on découvre justement un peu la manière dont la famille s'est formée, leurs valeurs, l'importance de la religion, les défis financiers, les influences musicales, et le reste. tranquillement, on suit donc la famille autour de leur succès, évidemment, qui est pas venu de manière instantanée. Donc, premier album, je pense qu'il leur avait rapporté à peu près $25, qui avait même pas été, qui avait pratiquement pas été plus sorti. Éventuellement, donc, le succès arrive. On essaie de passer vers, entre guillemets, le mainstream, si vous me permettez l'anglicisme, etc., etc. Donc, beaucoup d'histoires intéressantes au fil de ça, des histoires d'amitié aussi, notamment avec Leslie Riddle, le guitariste, et évidemment, à la fin, bon, décision de fermer le groupe, de terminer l'action du groupe qui vient aussi clore le livre. Donc, ça donne une narration assez directe, assez précise, un style simple, une histoire efficace. Donc, encore là, c'est une formule que j'aurais dit, je pense qu'il y en a certains qui m'ont critiqué de l'utiliser à outrance, mais bon, je vais quand même le dire, on réinvente pas le style, mais on se l'approprie de manière efficace, et c'est là peut-être la force justement de cette BD. Donc c'est qu'on utilise au maximum les ressources qu'on a mises en place pour un sujet qui visiblement passionnait et intéressait ses auteurs. Voilà donc la famille Carter, Don't Forget This Song, version française de l'album qui est disponible aux éditions La Pastèque. On prend une courte pause à venir, Michel Giguère et la Première Guerre mondiale et le Collectif Blanc. En décembre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 7 décembre, le programme Kino Québec et l'Opéra national de Paris, Tosca. Les 10 et 14 décembre, le Rendez-vous international du documentaire de Montréal à Québec présente le documentaire Les 18 fugitives. Du 18 décembre au 5 janvier inclusivement, venez fêter la danse avec le ballet Casse-Noisette de l'Opéra de Paris. Découvrez notre nouveau magazine électronique gratuit disponible dès maintenant sur le marché des applications et essayez notre nouvel espace lounge maintenant ouvert dans les airs du cinéma Le Clap. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer un vrai gagnant. Si, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Ludo Lalu. Lily le lit. Oh, merci. Lucas le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Qui me tuera? Où est l'homme invulnérable capable de tourner contre moi son épée sans lui-même y trouver la mort? Il est tout près de toi, devant tes yeux. Vois-tu mon bras? Je le vois. Mais c'est celui d'un lâche qui tient trop à la vie depuis qu'il est roi. Si je suis si lâche, pourquoi viens-tu me combattre avec une nombreuse armée? Encore une fois, je te réclame le sceptre et ma part de royauté. Tu n'as rien à me réclamer. Ce palais est à moi et j'y reste. Les Phéniciennes, un texte d'Euripide dans une mise en scène de Lorraine Côté. Présenté au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 7 au 14 décembre. Réservation au 418-643-9833. 89.1 CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et dès que mentionné d'entrée de jeu, on poursuit un peu ses regards autour de l'univers des publications indépendantes à travers cet événement qui a lieu demain donc et dimanche, le Salon Nouveau Genre 11e édition. C'est un peu une tradition qu'on a ici à La Vie en BD, de profiter justement de cette occasion-là pour vous amener un peu dans ces univers, dans ce type de publication alternative-là, parce que justement, vous avez l'occasion, samedi et dimanche, d'aller rencontrer les créateurs, de voir ce qu'ils ont à offrir, et parfois, ça devient difficile de mettre la main justement sur ce type de publication-là, saisissons l'occasion. Et autre projet sur lequel on voulait mettre la lumière cette semaine, ça s'appelle le Collectif Blanc. Donc c'est des créatrices de Québec mais qui ont migré vers Montréal et qui là-bas travaillent autour du design, autour de l'illustration, autour du médium imprimé avec différents types de projets. Et pour nous présenter justement le travail du collectif, on est en compagnie de l'une de ses fondatrices, Marie Tourigny. Bonjour. Oui, bonjour. Et justement, j'allais dire un peu, différents types de projets autour de l'imprimé. C'est un peu une structure de commissariat indépendante que vous êtes créée avec le collectif Blanc. Oui, exactement. Je veux juste revenir sur un premier lien. En fait, tu as dit qu'on était des gens de Québec qui avaient migré à Montréal. C'est pas tout à fait ça. C'est que moi, je suis native de Québec, mais ça a été fondé à Montréal. Mais ma première partenaire, Marie-Ève Tanguay, notre première exposition s'est faite à Québec, au Sacrilège. C'est comme ça que ça a commencé. Mais on est Montréalais, mais on veut faire le tour un peu partout, en fait. On trouve ça très important. Mais oui, en fait, pour revenir, nous, on fait la diffusion et la promotion de l'édition et du design imprimé. Donc, c'est vraiment de faire connaître ce qui se fait en termes d'édition de qualité. Donc, que ce soit expérimental, le zine, les livres, des choses aussi même de plus grandes maisons d'édition, des affiches, mais toujours, toujours, toujours en partant du médium imprimé. Donc, vraiment, nous, on part autour de ça. Et on fait toujours venir des gens qui sont soit de l'extérieur ou soit de, on va dire, la grande région de Québec qui inclut Québec, Montréal et ces régions-là en général. Et j'ai l'impression que c'est un peu une niche qui était peu occupée jusqu'à présent et qui l'est encore peu occupée. La jonction un peu entre l'édition, le design graphique, qui est pas exactement de la BD, qui est pas exactement des arts visuels. Ben en fait non, c'est ça. Nous on aime bien le mélange. Moi je viens du milieu des arts visuels. J'ai commencé à étudier en design graphique une dizaine d'années plus tard. Ma collègue, en fait, ma cofondatrice Catherine, elle est éditrice. Donc déjà on mélange les genres et de plus en plus, je dirais que le monde du design est mélangé, c'est-à-dire que on a des gens en illustration, on a effectivement des gens qui ont un côté plus BD, on a des gens qui viennent carrément du monde du design, des gens qui viennent du milieu des arts visuels. Je pense à un artiste que nous on aime énormément qui va être demain, qui va être en fin de semaine au Salon Nouveau Genre, qui est Charles-Étienne Brochu. Mm-hmm. Nous on tripe bien raide sur lui, puis en fait il vient des arts visuels, alors que d'autres types d'artistes qui font quelque chose du même genre ont étudié en design. Donc, on trouve ça vraiment important de mélanger les gens, mais c'est la finalité qui est importante. Pour nous, c'est pas de où les gens y viennent. Tu parlais de quelque chose qui était pas très connu, effectivement, au Québec. Il y a pas de ça, mais si, parce que là, de plus en plus, on fait affaire avec des gens de partout dans le monde, des initiatives comme ça en Europe, il y en a énormément. Aux États-Unis, il y en a énormément. Mais je pense qu'au Québec, on est encore frileux par rapport à ça. Donc, nous, quand on a fondé ça, c'était vraiment de cœur. C'est vraiment parce que moi, j'adore le développement public. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis, on se rend compte que la réaction des gens, elle est incroyable. Les gens nous suivent. Les gens sont là. Les gens sont intéressés. Fait que, ça nous donne une drive vraiment pour continuer. Puis, c'est pour ça qu'on va venir au Salon Nouveau Genre en fin de semaine. C'est sûr que c'est très différent. Ben là, tu me poses pas la question, mais je te dis, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement, parce que nous, on fait souvent des pop-up expositions. Au Salon Nouveau Genre, c'est sûr que c'est différent, c'est parce que là, on est mélangé avec d'autres personnes, qui n'est pas un concept. Habituellement, nous autres, on a un concept. On a eu des éditions florales, éditions illustration, moi, des thématiques. La prochaine va porter sur la lettre, le mot. Là, on va ramasser un peu de tout ce qu'on a de meilleur depuis qu'on a commencé. Puis là, on va les présenter aux gens de Québec, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas accès à ces choses-là habituellement. Mais c'est plus une table de vente. C'est pas une exposition comme on fait habituellement. Exactement, pour permettre aux gens de se mettre un peu en tête c'est les éléments que vous faites du côté de la métropole, en attendant de vous inviter à les faire à Québec. Exemple, l'idée, j'ai l'impression que c'est un peu de présenter ce type de médium-là, donc autour de l'illustration, autour de tout ce qui est graphique, de tout ce qui est imprimé, mais dans un contexte convivial. Celui sur le floral, vous l'aviez fait en extérieur, d'autres fois vous faites un pop-up dans un café, dans une galerie industrielle, etc. Ouais. Oui, nous, en fait, on veut être proche des gens. C'est vraiment très important. Puis ça se veut aussi une forme de découverte. Bon, évidemment, dans le design et dans les arts en général, il y a beaucoup d'élitisme. On se le cachera pas. C'est pas tout le monde, mais il y a une forme d'élitisme. Et l'idée, c'est un peu de se sortir de ça. Donc, c'est vraiment de dire aux gens, ben, écoutez, ça existe, vous y avez accès. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans certains endroits, justement, où est-ce que des fois les gens sont moins intéressés à aller par peur, par gêne. Donc, nous, on est vraiment là pour être dans les gens. L'exposition florale, c'est sûr que, bon, on est avec Garçon Fleur, on voulait faire ça au marché Jean Talon, on est en extérieur, les gens sont venus. Dans un café aussi, c'est un pop-up d'une soirée, donc vous venez. La première qui était au Sacrilège, qui après ça s'est rendue à l'atelier B, c'est un peu la même chose. On va refaire, je vous le dis, on a une nouvelle exposition Sacrilège qui va avoir lieu ce printemps. J'ai pas le thème encore, j'ai pas les informations, mais on revient à Québec. Mm-hmm. Mais c'est pas dit que, en fait, celle sur la typographie, ben la prochaine, là, on dit typographie, mais ça va être la lettre. On va pas venir dans une salle, justement, peut-être quelque chose de avec plus d'ampleur. On existe depuis un an, donc c'est sûr, on grossit vraiment vite, mm-hmm. mais on veut se promener un peu partout au Québec pour montrer un peu tout ce qui se fait. Donc, c'est sûr que là, en fin de semaine, c'est une plus petite version, mais on a vraiment des choses qui ont jamais été montrées ailleurs. On a des choses qui viennent de partout dans le monde, du Japon, du Mexique, de l'Europe, la France. Donc, tu sais, c'est vraiment des choses auxquelles les gens ont rarement accès dans la vie. Donc, nous autres, on démocratise ça. C'est toujours facile d'accès, avec une belle qualité, puis c'est pas cher. Et justement, en terminant, vous allez chercher des éléments vers l'externe, donc il y a une volonté mm-hmm. d'exploration. J'imagine qu'aussi vous recevez des propositions, que c'est un peu des deux côtés? Bien, nous, on fait un commissariat principal. Mm-hmm. Dès le départ, nous, on fait de la recherche de terrain, là, mais vraiment longtemps. On va beaucoup chercher les gens, même au Québec. Moi, j'essaie de voir le plus possible qu'est-ce qui se passe pour aller chercher des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Des propositions, on en reçoit un peu. On pourrait en recevoir plus. On vous invite à nous contacter. Mais c'est certain qu'on fait un premier commissariat, puis après ça, on demande aux gens de nous contacter parce qu'on peut pas connaître tout le monde. Donc, puis on est vraiment ouvert à rencontrer des nouvelles personnes. Puis on veut vraiment mélanger ce qui est nos talents ici au Québec, leur montrer qu'est-ce qu'ils font, puis ce qui est les talents à l'extérieur, puis montrer que, ben en fait, il n'y a pas de grande différence en termes de qualité entre ce qui se fait, exemple, en Belgique ou au Japon, puis ce qui se fait à Montréal, la qualité, ou à Québec, ou en région, tu peux nommer plein de villes, la qualité est la même. C'est juste qu'on n'a pas l'occasion, en fait, de le montrer. Donc, Et puis de s'inspirer mutuellement aussi. Hein? S'inspirer mutuellement aussi, de voir ce que les autres font, de découvrir, puis de plonger un peu dans ça. Les rencontrer aussi, les mettre en lien. On fait beaucoup ça, on met beaucoup en lien les gens. Donc, on fait beaucoup de liens avec les gens. On est là aussi, tu sais, on fait ça un peu pour le fun, tu sais. Les gens nous contactent. Est-ce que vous connaissez tel type de personne? Oui, on va les mettre en lien. Donc, ça nous intéresse, ce côté-là de la communauté, en fait. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, il y a un portail web, collectifblanc.com, qui sera remis à jour au fil du printemps, mais déjà, il y a une belle banque d'informations. On voit un peu les événements qui ont été faits aussi au fil des derniers mois. Oui, c'est ça. Donc, on a un site web, qui va être refait, c'est ça, au printemps, parce que, bon, on veut entrer du texte, on veut vraiment l'élaborer. Sinon, on a un Facebook aussi qui est assez actif, mais où est-ce que les gens peuvent nous contacter aussi, donc sur Facebook, collectivement.com, pas collectivement, quoi, mais en tout cas, comprendre ce que je veux dire. Puis nous, on est toujours à l'affût là, de les gens qui nous écrivent. On a souvent des gens qui nous envoient des courriels. On a des fanbases un peu partout dans le monde, puis on répond à tout le monde. Là. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Mais Marie Tourigny, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Puis bonne journée. Nous, on est là dimanche. On n'est pas là les deux jours en passant. D'accord. OK, merci. Alors, bye. Bye-bye. Alors voilà, Marie Tourigny, donc l'une des fondatrices, je le rappelle, du Collectif Blanc, qui seront pas chasse donc dimanche du côté du Salon Nouveau Genre, salon qui a lieu donc samedi et dimanche qui vient. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations également, collectifblanc.com. Et voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Donc, je rappelle les petits extraits qu'on a écoutés au fil de l'émission. C'est la formation Trash 80 tirée de leur album Hologram. Et on se prépare également, on met la table, toujours comme d'habitude, si elle est en BD, vers la prochaine rencontre des Rendez-vous de la BD qui a lieu mercredi qui vient, donc du côté de la bibliothèque Gabrielle Roy. Et pour mettre la table, pour nous en parler, on est en compagnie de Michel Giguère. Bonjour. Qui a le rhume et une voix d'outre-tombe. Oui, mais peut-être parce que justement, t'es dans la boue depuis quelques semaines à explorer comme ça l'univers de la Première Guerre mondiale. Un sujet, évidemment... incontournable, je pense, en cette année-ci. On en a beaucoup jasé. Et un sujet qui est quand même assez présent aussi du côté de la bande dessinée. Peut-être la première chose qui vient en tête quand on parle de la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle vient mettre fin assez abruptement à ce qu'on appelait la belle époque, entre guillemets. Oui, ben une époque bénie, pas pour tout le monde, on le verra, que le Musée de la Civilisation, en passant, avait présenté en 2013-2014 à travers son exposition « Paris en scène ». J'espère que vous aviez de bonnes raisons de ne pas y aller parce que ça a été là pendant un an. Quelques points. Les expositions. Ben, l'exposition universelle de 1900 qui met en évidence les avancées scientifiques et techniques de l'époque. Une ouverture sur le monde, malheureusement teintée par le colonialisme. Paris, qui à l'époque est le carrefour des intellectuels puis des artistes de diverses nationalités, à commencer par Picasso, Van Gogh. C'est la naissance des impressionnistes, etc. L'Europe occidentale, qui est impérialiste et en voie d'industrialisation, est la région du monde la plus puissante, la plus influente. Mais il y a une face sombre au tableau. L'industrialisation, elle s'accompagne de conditions de travail épouvantables et dangereuses. Et c'est une situation qui va être reproduite dans le cadre de la guerre. On troque les mines pour les tranchées. Et on va reproduire aussi, en fait, les classes sociales durant la guerre. Mais tout ça pour dire que le mouvement ouvrier est en train de se constituer. Les idées socialistes circulent, la grogne monte. Mais étrangement, à l'heure de la mobilisation, l'appartenance à une classe sociale va se faire supplanter par la fibre patriotique. Et le peuple va prendre les armes avec optimisme, enthousiasme, même avec naïveté, persuadé que ça va durer 2 semaines et puis qu'ils vont enfoncer les lignes ennemies. Et tout ça déclenché, si je me rappelle un peu mes cours d'histoire, par l'assassinat par un Serbe de l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg. Puis ensuite, ça dégénère assez rapidement en conflit mondial, là, tout seul. Ouais, ben bravo à ton prof qui, si tu t'en souviens, c'est fantastique. Et mes notes aussi, évidemment. On s'entend, on fait de la recherche avant les émissions. Ouais, sauf que c'est pas évident de savoir, parce qu'on cite toujours cet événement-là, mais encore faut-il expliquer un petit peu le contexte pour comprendre comment ça a pu dégénérer en guerre mondiale. Alors, en fait, François Ferdinand, c'est le neveu de l'empereur François-Joseph, en passant, qui est le mari de Sissi. Et c'est aussi son héritier présomptif à la tête de l'Empire austro-hongrois. Cet empire-là comprend des territoires qui touchent à plein de pays autour, entre autres les pays des Balkans, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie. Et la péninsule balkanique, elle sort à peine des deux guerres dites balkaniques en 1912 et 1913, ça vient tout juste de se finir, et les observateurs étrangers parlent de la poudrière balkanique à l'époque. Ils croient pas si bien dire. La Serbie, en fait, encourage les minorités serbes qui vivent dans les territoires occupés, conquis par l'Empire, les encourage à la révolte, si bien que l'assassinat du dauphin, ça sert de prétexte à l'Empire pour dire « on va régler le compte à la Serbie, là, il nous achale depuis assez longtemps ». Sauf que il y a une espèce de communauté linguistique qui crée une alliance naturelle entre la Serbie et en fait les Balkans et la Russie, parce que ce sont tous des Slaves qui partagent donc cette racine linguistique-là. Donc la Russie déclare, comme elle l'avait annoncé, la guerre à l'Autriche-Hongrie, et là, c'est toute la mécanique qui s'enclenche, le jeu des alliances qui joue, qui fait que tout déboule rapidement. L'allié naturel de l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, déclare la guerre à la Russie, ensuite à la France. Quand l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique en pénétrant ses frontières, eh bien, ça provoque l'entrée en guerre des Anglais. Eh bien là, c'est parti. Donc, derrière la façade de la Belle Époque, il y avait plusieurs signes précurseurs. Et à travers ça, une fois que ça, la mécanique s'enclenche, on en vient rapidement à la situation de guerre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une pause qui se met où tout le monde se retrouve dans des tranchées. Et là, on attend des années dans la boue, dans la pluie. T'as tout à fait raison. En fait, les belligérants vont s'affronter dans des régions, somme toute, assez peu accidentées, c'est-à-dire le nord-est de la France, la Belgique, qui est d'ailleurs surnommée le plat pays, carrément. Et le meilleur moyen de se protéger qu'ils vont trouver, c'est de s'enterrer. Les installations, non seulement des tranchées, mais des abris, des tunnels, ça va devenir de plus en plus élaboré. Surtout quand la guerre de mouvement va se buter à l'égalité des forces en présence, plus personne ne va avancer. Et là, ça va devenir la guerre de position, une guerre d'usure le long d'une ligne de front qui bougera pas beaucoup pendant des années, où les tranchées vont devenir le refuge en même temps que le cauchemar et le tombeau de centaines de milliers de soldats. L'histoire a retenu des noms de batailles, là, comme Verdun, Ypres, Passchendaele, la Somme, tout ça, mais on a comme oublié que les pires moments de la guerre, c'est les deux premiers mois. Août et septembre, au début, là, ça, il n'y a aucun nom qui est passé à l'histoire parce que, entre autres, les Français se font massacrer. Et je fais une parenthèse aussi, on fait un peu l'histoire de la guerre et c'est un peu cette histoire-là aussi que tu vas explorer au fil des planches dans le cadre des rendez-vous mercredi qui vient. Nécessairement, puisqu'on parle de ça en BD, ben, on parle de cette histoire-là et tous ces éléments-là vont découvrir leur itération, leur version, leur regard dans la sphère du 9e art. Et puis, on va voir, entre autres, quelque chose qui va être manifeste quand on le voit de visu, c'est qu'au début de la guerre, on est au 19e siècle. C'est vraiment la guerre elle-même qui va accélérer de façon extraordinaire la mécanisation, l'industrialisation. Ça va coïncider avec, c'est pas une coïncidence, ça va provoquer l'entrée sur le marché du travail des femmes dans les usines. Ça amène son lot de révolutions qui dépasse largement l'Europe, parce qu'on peut penser, quand on regarde un peu les lieux où la bataille, où la guerre se passe, mais que c'est une guerre européenne, c'est pas une guerre mondiale, mais il y a quand même une raison pour laquelle on l'appelle la guerre mondiale aussi. Là. Ben, parce que d'abord, ce sont des puissances impérialistes. Mm-hmm. Donc, il y a plein de gens des pays, des colonies d'Afrique, d'Asie qui vont devoir aller se battre sur le front. Puis aussi, il y a des implications économiques. On était déjà en train de se mondialiser à l'époque. Hein? Donc, il y a des pays aussi loin que le Japon qui vont être impliqués, mais quand même dans une moindre mesure. Et à travers tout ça, Michel, quand on parle peut-être justement de la BD, j'imagine que c'est un peu impossible de pas faire une belle place à Tardy quand on parle de la Première Guerre mondiale. C'est sûr. Quoique ça n'a pas été le premier. Hey, j'ai trouvé ça tellement étrange de feuilleter des albums comme Bécassine ou Les Pieds Nickelés qui ont été produits pendant que les événements se déroulaient. Sauf que à l'époque, les autorités surveillaient, contrôlaient tout ce qui se publiait et censuraient toutes les idées antipatriotiques ou jugées comme telles, propres à démoraliser les troupes. Là. Donc, quand on racontait des histoires, on disait pas ce qu'on voulait. Alors, longtemps après, quand Tardy va être un des premiers à sortir la guerre de 14-18 des Boulamites, il va lui restituer toute son inhumanité. Il y a beaucoup d'indignation et de dégoût dans, par exemple, c'était la guerre des tranchées ou Putain de guerre qui sont, à mon sens, les chefs-d'œuvre de Tardy, là. C'est des œuvres tellement fortes, je pense que ça va marquer la plupart des bédéistes qui vont parler de ça ensuite. Mm-hmm. Parce que dans toutes mes lectures, j'en ai lu énormément, il y a des récits qui se veulent un peu héroïques, mais sont tous liés à l'aviation. Les premiers avions, ils étaient en bois et en toile. Là. Et puis, tu sais d'où vient l'expression des avions de chasse, des chasseurs? C'est qu'à un moment donné, les avions ne servaient qu'à survoler les positions ennemies pour amener de l'information. Puis à un moment donné, ben il y en avait des deux côtés. Puis là, ça se croisait, les avions français, les avions allemands. Et là, à un moment donné, ils sont mis à monter en l'air avec des carabines, puis à se tirer dessus avec des carabines. T'imagines-tu? Alors, la différence entre le début de la guerre et la fin, les sous-marins, les tanks, tu sais, ça va tellement se développer. Et c'est une guerre de transition, comme c'est une époque de transition, si bien que on va voir des guerres au corps à corps, des batailles au corps à corps avec des baïonnettes, mais sous des pluies d'obus. C'est insensé. Ça a été des massacres inouïs. C'est quand je disais tantôt là, qu'il y avait, que c'était répugnant, là, c'est que les vieux maréchaux vont persister à avoir des vieilles idées sur la façon de faire la guerre. Ils vont sous-estimer l'impact des machines et ils vont toujours miser sur l'infanterie, les gars à pied avec des carabines puis des baïonnettes. Et ça va être de la chair à canon d'une façon complètement scandaleuse. Et alors donc, de façon générale, à part les récits d'aviation, là, il n'y a pas beaucoup de héros. Quand on est loin des cabrioles dans le ciel, là, on est à plat ventre dans la bouette, dans les cadavres, et il n'y a rien de reluisant là-dedans. Là. Et pour peut-être se préparer un peu ou plonger, en se préparant à plonger de manière plus imposante avec toi, mercredi le 10 à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, entrée libre, soit dit en passant, est-ce que tu as quelques suggestions de lecture là, en 1 minute, 1 minute 30? J'aurais envie de dire... Venez les voir sur grand écran. Vous allez repartir avec la bibliographie complète. Il y en a pour tous les goûts, mais quand même, gars, je serai pas chien, là. Je vais en nommer quelques-unes. Folie Bergère. Ensuite, sur la ligne de front de l'Arsenay avec Van Gogh, qui est pas mort, qui va peindre la guerre. Et aussi Paroles de Verdun, qui mettent en case de véritables lettres écrites sur le front. Et j'imagine, parce que tu dis qu'il y a quand même une variété de tons, ça doit être quand même assez, toi qui en as lu beaucoup, c'est un conflit qui est lourd, qui est dur, qui est glauque, qui est sombre. Oui. Est-ce que c'est un peu ce qui ressort de manière générale, si on fait une moyenne? Oui, et un peu à cause de mon orientation, là. C'est vraiment ce que je veux qu'il ressorte. C'était cauchemardesque, et puis ça sera pas une apologie de la guerre, là. Au contraire, là, si je peux dégoûter plein de gens, tant mieux. Mais cela dit, c'est, en tout cas moi ça m'a passionné, quel sujet multidimensionnel, là. Écoute, les implications sur, entre autres sur les frontières, il y a l'Empire allemand, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman qui vont tomber à la fin de la guerre, toutes les frontières vont être changées. Et tout ça avec une multitude de styles graphiques aussi, on l'imagine. Et tout ça en grand écran, donc ça avec l'analyse, avec l'histoire. Donc c'est mercredi qui vient, donc je le rappelle, le 10 à la bibliothèque Gabriel Leroy. L'invitation est lancée, évidemment. Et c'est le dernier rendez-vous de l'année. Après ça, ça va aller en février pour poursuivre un peu avec les rendez-vous de la BD. Exact. Michel Giguère, merci beaucoup. Merci Raymond. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été évidemment un plaisir d'être avec vous. En vous rappelant que vous pouvez voir nos podcasts sur lavieenbd.wordpress.com. Dans quelques instants, ce sera l'émission Swing Out. À la semaine prochaine.